La fausse sagesse de Charles Fusté, enregistrée pour LibriVox.org. Pleurer, je ne veux plus. Les larmes sont trop vaines, trop tristes en coulant, trop longues à tarir. Il faut murer son mal si l'on en veut périr. Clos ton cœur, barricade et bâillonne tes peines. Crier ? Non, car j'ai peur. L'écho des cris humains à toute éternité se prolonge et persiste. Plutôt que de navrer encore la race triste, étouffe bien ton cœur, et mets-y les deux mains. Ni pleurer, ni crier. Il faut se faire une âme, bloc de fer, tour d'airain, marbre solide et froid, une âme qui, scellée en son cachot étroit, demeure sourde au rire, indifférente au drame. J'écrivais, je disais ces choses, et voici que quelqu'un se révolte au profond de moi-même. Bloc de fer ? Marbre froid ? Mais je souffre, mais j'aime ! Tu viens, mon mal, je crie et je pleure. Merci. Fin du poème, enregistré par Ezoie en Belgique en mars 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public.